On va parler de golf. La saison s'annonce à grands pas, s'en vient à grands pas. Cette semaine, le club de golf Domaine Lac-Saint-Jean a convoqué ou a fait un communiqué de presse pour appeler, pour un peu parler de nouvelles importantes. Et on va parler avec le président Rémi Curtis. Bonjour Rémi. Bonjour, Monsieur Danny. Rémi, d'abord, c'est une nouvelle quand même importante. Et pourquoi avoir changé de nom? Ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait quoi, 3 ans que vous avez changé de nom à peu près? Ben, en fait, pour plusieurs raisons, mais les principales, c'est le fait que on voulait avoir un meilleur positionnement géographique, puis un meilleur positionnement stratégique et aussi de marketing. Puis, de façon plus accessoire, il y a moins de confusion maintenant, ou il devrait y avoir moins de confusion avec le golf Lac-Saint-Jean, celui de Saint-Gédéon. Donc, votre Alors, nouveau c'est nom va pour ces porter le nom raisons. de... Nous, on va s'appeler Golf Saint-Prime sur le lac. OK, Golf Saint-Prime sur Bon, le... OK. c'est ça, Golf Saint-Prime sur le lac. Puis, faut pas avoir peur de le dire, là, on est le seul véritable club de golf en, ben, véritable, seul club de golf en bordure du lac Ouais, Saint-Jean. effectivement. Alors, Saint-Prime sur le lac, c'est ça que ça voulait dire. Puis, pour des raisons tantôt que je te disais, marketing, parce que je pense, on est d'avis qu'il y a place à amélioration à vendre nos produits de boutique. Ouais. Alors, avec une nouvelle image de marque, un nouveau logo, un nouveau slogan, Qui Golfer est? avec le lac Ah, Saint-Jean. golfer avec le lac Alors, on Saint-Jean, OK. pense que tout ça devrait apporter des effets positifs pour Golf Saint-Prime sur le Nouveau lac. site web aussi. Nouveau site web, plus interactif, là, parce que puis plus jeune, plus moderne, plus dynamique. Tu sais, faut se rendre à l'évidence. Toi, tu es bien placé pour le savoir. Faut faire affaire maintenant avec pour la clientèle jeune, là, pour la clientèle jeunesse, pardon. Faut faire affaire avec les médias sociaux, avec Facebook, Instagram. Alors, on s'est modernisé dans ce sens-là. On va pouvoir réserver les parties de golf à Saint-Prime à partir de ces sites-là qui sont interactifs, beaucoup plus dynamiques. Alors, oui, on a un nouveau site web, golfsaintprime.com. Alors, j'invite les gens à visiter ça. Comment tu vois maintenant la prochaine saison? Difficile à Ben, dire, en hein? fait, ben, je sais pas, mais en 2020, nous, on avait planifié une saison avec un équilibre budgétaire puis un achalandage à peu près équivalent aux années précédentes. Mais nous, dans les 2 dernières années, on a connu une augmentation de notre achalandage assez incroyable. J'ai joué l'année passée 2000 parties de plus en 2020 qu'en 2019. C'est largement attribuable au fait qu'il y avait la pandémie, les gens ne pouvaient pas Faisait beau voyager à aussi. l'extérieur de la région ou à l'extérieur du pays. Alors, on pense en 2021, nous, avoir encore une bonne saison, mais dans notre cas, 2020 a été exceptionnel, puis ça se reflète là sur le nombre de parties jouées, sur nos états financiers, sur l'achalandage. Puis, ce qui est particulier à Saint-Prime-sur-le-Lac, dans les dernières années, c'est que 60% de nos parties sont maintenant jouées par des non-membres, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas membres là, du club de golf. Alors ça génère de l'activité économique, ça génère des retombées économiques pour le milieu. On estime ça à environ 300 000 $ là, selon la méthode de calcul de tourisme Domaine du Roy. Alors, on se considère comme une infrastructure qui est nécessaire pour le milieu. C'est bon pour la qualité de vie. Ça permet l'attrait et la rétention de main-d'œuvre. Alors, regarde, on est là un complément aux produits d'appel touristique. Alors, moi, je pense que pour le milieu, c'est un plus. Puis c'est comme ça qu'on se comporte, là. On se comporte en partenaire avec le milieu. Nous, on génère de l'activité économique, puis Effectivement. organisez-vous pour que vous en générez au club de golf de Saint-Prime-sur-le-Lac Aussi, également. vous avez rajeuni beaucoup aussi votre clientèle aussi, là. Oui, on a mis un focus sur les plus jeunes. On est chanceux, on a eu dans les dernières années une clientèle plus jeune, effectivement. On est moins difficile, je dirais, là, sur les coûts d'entrée pour les jeunes. On a des activités le mardi pour les jeunes, le jeudi pour les dames. Il va y avoir des petites activités le vendredi après-midi, là, compétition amicale mais intéressante. Donc, on a beaucoup d'activités. On a un directeur général, nous, qui est très dynamique puis qui a apporté une contribution là, assez exceptionnelle au club. OK. Ben, Rémi, un gros, gros merci. Au plaisir de se parler. Ça fait plaisir, M. Danny. À la prochaine. Voilà, Rémi Curtness, le président du club de golf de